Qu'est-ce que le néolithique, si ce n'est l'âge de la pierre polie, les premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage? Une période donc révolue, dont le principal intérêt est d'être rabâché un bref instant par les collégiens en classe de 6e. D'ailleurs, dans un de ses livres, un célèbre archéologue n'avait-il pas fait de cette période les millénaires oubliés de l'histoire? Pourquoi donc aujourd'hui ce néolithique revient-il en force? Pour preuve, le titre d'un long article paru lundi dernier dans les pages science et éthique du quotidien La Croix. Le néolithique à la racine de notre société contemporaine. Mieux, il y a tout juste 3 semaines, LSD de France Culture évoquait quant à lui la néolithisation, première erreur de l'humanité. Pire, dans un grand écart temporel, une exposition du musée des Confluences stigmatise tout à la fois ces temps néolithiques, tout en culpabilisant nos contemporains face à l'avenir de la planète. Pour évoquer cette période à qui nous devons tout à la fois tout et rien, pour saluer la grande saison néolithique lancée par l'INRAP comme les Journées européennes de l'archéologie qui se dérouleront le week-end prochain, Jean-Paul Demoule, bonsoir. Bonsoir. Habitué du magazine de l'archéologie de France Culture, professeur émérite à l'Université de Paris 1 et membre de l'Institut universitaire de France, Jean-Paul Demoule, nous vous devons quelques ouvrages sur ce thème, dont la révolution néolithique en France, aux origines de la culture, la révolution néolithique dans le monde, mais aussi les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Jean-Paul Demoule, avec le néolithique, il y a assurément un avant, peut-être un après. Donc, évoquons un bref instant les temps qui le précèdent, notamment avec Pierre Clastres, qui écrivait en 1974 « Si l'homme primitif ne rentabilise pas son activité, c'est non pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais parce qu'il n'en a pas envie. » Jean-Paul Demoule. Oui, Pierre Clastres malheureusement est décédé prématurément et accidentellement. On peut considérer que c'est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie anarchiste et dont on parle beaucoup plus avec Scott Graeber, Wayne Grow et également Marshall Salins qui est disparu récemment et qui était de la même génération, qui aurait été de la même génération que Clastres. Donc, effectivement, Clastres poursuivait d'une certaine manière, même s'il ne s'entendait pas du tout avec lui, ce que Lévi-Strauss avait commencé à dire dans les années 50, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre le développement techno-économique d'une société et la qualité de vie de cette société. Et effectivement, l'idée de produire plus que ce dont on a besoin est quand même quelque chose de très étrange. Et pour cette émergence du néolithique, effectivement, il y a 10-12 000 ans, la seule coïncidence qu'on peut trouver, c'est que d'une part, c'est le moment où le climat se réchauffe et où nous entrons dans l'actuel interglaciaire. Et que symétriquement, même si Homo sapiens a émergé il y a à peu près 300 000 ans en Afrique, eh bien, il continue à évoluer. Nous continuons probablement à évoluer. Et par exemple, les représentations figurées n'apparaissent qu'il y a 40 000 ans. Donc, on peut considérer que c'est peut-être cette coïncidence d'un cerveau plus complexe et de ces conditions environnementales qui ont décidé certains petits groupes de chasseurs-cueilleurs à basculer dans l'agriculture et l'élevage, sachant que certains connaissaient déjà le principe de l'élevage, puisqu'il semble bien que plusieurs sociétés paléolithiques avaient domestiqué le loup en le transformant en chien. Néanmoins, tous ne l'ont pas fait. Il fallait évidemment des conditions favorables, à la fois du point de vue environnemental, des espèces domesticables, ça va de soi, mais aussi maîtriser les techniques pour ce faire. Mais toutes ne l'ont pas fait. Il a fallu aussi un rapport nouveau à la nature, un rapport de domination que n'avaient pas du tout les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, qui se vivaient comme une espèce animale parmi d'autres. Et c'est effectivement ça qui a fait tout basculé en ces quelques 10 000 ans qui ne représentent rien en durée par rapport aux 300 000 ans d'Homo sapiens, sans parler des 7 millions d'années des humains. Dans un prochain livre, vous vous interrogez, aurait-on pu rester dans cette préhistoire, cet âge d'abondance, pour reprendre Marshall Salins, dont nous saluons pour l'occasion la mémoire? Effectivement. Alors là, il y a un débat parce que certains considèrent que, effectivement, à partir du moment où on se lance dans l'agriculture et l'élevage, c'est comme une espèce de train fou qui continue et on peut rien faire que s'attrister sur cette trajectoire. Je fais partie des gens qui pensent que les techniques sont ce qu'en font les sociétés. Je regrette pas du tout que le néolithique ait été inventé, sinon on serait pas là en train de se parler à distance ce soir, mais effectivement, ça a entraîné un certain nombre de conséquences. La première étant le boom démographique qui n'est toujours pas maîtrisé par les humains. Et à partir de là, effectivement, une course aux techniques pour nourrir de plus en plus de gens, entre autres, plus les inégalités sociales, violences intercommunautaires. Donc, toutes les sociétés, néanmoins, ne le font pas de la même façon, de même que la domination masculine n'est pas toujours la même suivant les sociétés. Donc je crois qu'il faut continuer à insister beaucoup sur ces choix qui sont faits par les sociétés, pas dire c'était une mauvaise idée. Jean-Paul Lemoule, développons l'idée d'un troisième anthropologue, Alain Testard, pour qui le moteur, la clé de l'apparition de cette économie de production serait le stockage. Oui, parce que parmi les techniques qui sont nécessaires pour pouvoir développer l'agriculture et l'élevage, pour les animaux, eh bien, il faut être capable de les nourrir et de les soigner. Et pour les céréales, puisque les céréales vont jouer un rôle fondamental dans la mise en marge de l'agriculture, même si ces céréales vont varier du riz au maïs en passant par le blé, l'orge ou le millet, eh bien, il faut être capable de les conserver d'une part pour pouvoir les manger, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et surtout pour pouvoir les semer, les ressemer. Donc il faut notamment pour le blé par exemple, il faut construire des containers, notamment des silos souterrains qui soient absolument hermétiques pour endormir la germination, empêcher la germination. Des greniers. Oui, et donc pour ça, si vous n'avez pas le stockage, vous n'avez pas l'agriculture céréalière. Curieusement, d'autres sociétés non néolithiques sont aussi des sociétés stockeuses, souvent très élaborées, sédentaires, mais quelque peu délaissées pour compte par les archéologues. Je pense bien sûr aux communautés de chasseurs-collecteurs maritimes qui gèrent des stocks absolument énormes, des stocks de pêche. Oui, bien sûr, et on a l'exemple des Indiens de la corde de la côte nord-ouest des États-Unis et du Canada qui sont justement à la fois sont capables de stocker glands et châtaignes et surtout saumon et de les faire sécher et de pouvoir les conserver, si bien que alors que ce ne sont entre guillemets que des sociétés de chasseurs cueilleurs, c'est des sociétés qui sont déjà très hiérarchisées, inégalitaires. C'est ces fameuses sociétés qui élèvent les grands mâts totems de cette côte nord-ouest, et même qui sont guerrières par ailleurs. Et sédentaires. Et sédentaires et qui ont des esclaves. Deux mots peut-être sur le jaumon, le fameux jaumon du Japon que vous connaissez bien. Est-ce qu'il pourrait être considéré comme un néolithique qui n'aurait pas d'agriculture, ce qui paraît totalement paradoxal? Pour moi, il est totalement comparable aux sociétés de la côte nord-ouest pacifique qu'on vient d'évoquer. Alors le jomon, c'est le contre-exemple par rapport à ce dont on est habitué pour le Proche-Orient, où on invente d'abord l'agriculture et puis après la sédentarité, puis l'agriculture, puis l'élevage, la poterie, etc. Et là, ils commencent par inventer la poterie comme les en Chine de l'autre côté du bras du Pacifique. Ils se sédentarisent, ils construisent de très grands villages avec des tours en bois importantes. Visiblement, c'est des sociétés inégalitaires, et notamment ils stockent châtaignes et glands, mais ils pratiquent une espèce de sylviculture, c'est-à-dire ils favorisent certaines essences d'arbres par rapport aux autres, et ils semblent pratiquer, en tout cas puisque ça commence vers moins 13 000 à peu près, ça dure jusqu'au premier millénaire avant notre ère, donc plus de 10 000 ans, dans les derniers millénaires, et ils pratiquent ponctuellement une petite horticulture, donc des petits jardins avec une petite, mais pas une agriculture céréalière comme on l'entend. Et on a d'autres exemples de par le monde qui justement montrent que c'est la différence entre chasseurs-cueilleurs agriculteurs est pas si simple. Et puis à la période suivante, donc au Japon, ce qu'on appelle la période Yaoi, émerge bien sûr le riz. Le plus ancien néolithique, c'est bien entendu celui que tout le monde connaît, celui du croissant fertile. Tout commencerait donc par la sédentarisation de populations dans des milieux très privilégiés. C'est le modèle qu'on connaît le mieux, et aussi parce que le Proche-Orient a toujours concentré les missions archéologiques, parce qu'il y avait toujours aussi l'arrière-fond de l'archéologie biblique notamment. Ça fait partie de ce qu'on connaît le mieux, mais qu'on ne saurait étendre au monde entier. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'ont montré les travaux, notamment de l'équipe du défunt Jacques Covin, c'est en Syrie en particulier, mais aussi d'autres missions, c'est qu'il semble qu'il y ait d'abord eu effectivement sédentarisation parce que c'était possible. Alors le rapport à l'environnement est complexe, parce que si vous êtes dans un environnement beaucoup trop riche, l'agriculture c'est quand même relativement fatigant, prenant, etc. Vous n'avez pas forcément un intérêt à basculer dans l'agriculture. Il faut que ce soit un milieu suffisamment riche, mais pas trop. Par exemple, si vous vivez au milieu des bisons dans les plaines du Far West, ça sert à rien de vouloir le domestiquer. Le Proche-Orient est loin d'être le centre de l'innovation néolithique. De par le monde, diverses formes de néolithique émergent, de la Chine à l'Amérique. Oui, on considère qu'il y a actuellement 6-7 foyers indépendants, donc ça se fait en même temps, sans doute pour les raisons que j'évoquais tout au début de l'émission, ça se fait en même temps, mais en tout cas c'est pas un phénomène de diffusion à partir d'un point. L'idée vient à différents groupes de chasseurs-cueilleurs. Mais dans des chronologies différentes quand même aussi. C'est entre 10 000 et 5 000 à peu près, si on avec un peu de recul. Mais effectivement, pour l'instant, ce qu'on a de plus ancien, c'est le Proche-Orient, même si les plus anciennes poteries sont en Chine à 17 000, 18 000. Mais on a des formes différentes. On doit avoir le nord de la Chine autour du fleuve jaune, hein, où ça va être le millet, et alors que autour du Yangtze, dans la Chine du sud, ça va être autour du riz sec ou en rizière irriguée. Et on a le buffle, porc et poulet, également chien par certains groupes de chasseurs-cueilleurs. En Nouvelle-Guinée, on a le cas de la banane, notamment. En Amérique, plutôt du sud, on a pommes de terre et en piment. Piment aussi, oui. Et certes, on va voir le maïs. Maïs et pommes de terre, mais aussi beaucoup de choses qui sont moins importantes, comme au hasard le tabac, l'avocat, etc. Et symétriquement, la domestication animale va jouer un rôle moins important. Il y a le dindon, le lama, le lama n'est pas une bête très importante, donc on ne développera pas un élevage pour la force animale comme sur d'autres continents. Et puis la domestication du cochon d'Inde. Ce modèle proche-oriental est toutefois omniprésent dans la littérature. Nous l'avons vu comme un modèle unique, alors que bien d'autres formules existent. Ne faudrait-il pas redéfinir ce qu'est le néolithique? si on regarde à 5000 ans près, en gros, ça marche. On passe de société purement chasseur-cueilleur avec à quelques exceptions près, domestication du chien, etc., à des sociétés agricoles qui vont prendre le pas sur toutes les autres. Mais après, si on regarde dans le détail, l'idée de révolution néolithique, donc, a été créée par l'archéologue australien Gordon Child dans l'entre-deux-guerres. Il faut pas imaginer justement quelque chose de soudain. Il faut au contraire penser que ça s'est fait sur des siècles, sinon des millénaires, qu'il y a certainement eu des échecs, des retours en arrière, etc. On le sait, ce modèle néolithique va se diffuser et se diffuser jusqu'à l'Europe. Quand arrive-t-il sur les rives de l'Atlantique ? Il franchit la mer Égée à la fois d'île en île et en passant par le nord aux alentours de 6500 avant notre ère, et ils mettent 2000 ans à atteindre l'Atlantique. Donc c'est assez progressif, sachant que visiblement ces communautés évitent de dépasser un certain seuil. À partir de 200 ou 300 personnes, ils vont un peu plus loin pour éviter des problèmes de logistique, peut-être des problèmes de tension sociale, voire des problèmes d'inégalité montante. Et donc, ils mettent 2000 ans et ils arrivent sur l'Atlantique aux alentours de 4500, qui ne pourra pas être franchi par les îles britanniques avant Christophe Colomb. Et donc là, on va avoir dans cette espèce de nasse qu'est l'Europe un empilement de communautés de plus en plus nombreuses sur un environnement fini. Jean-Paul Demoule, si l'intitulé de cette émission est quelque peu provocateur, c'est bien sûr en pensant aux populations indigènes, les chasseurs-collecteurs. Deviennent-ils néolithiques ? Sont-ils assimilés ? Que peuvent nous apprendre l'archéologie et la génétique ? Eh bien, ce que ça montre, en tout cas pour l'Europe, il n'y a pas de preuve archéologique de massacre. Et donc, on a toutes les raisons de penser qu'ils sont assimilés progressivement. Pendant longtemps, on avait cru à des formes éventuellement d'inventions sur place. Ça tenait à des erreurs de fouilles. Donc, il est bien clair que c'est un mouvement de colonisation qui va absorber les chasseurs mésolithiques. Au début, il y a une certaine coexistence, donc les populations restent pendant quelques siècles un peu différentes, et puis à la fin ils sont définitivement balayés, si bien que nous tous Européens, parmi nos gènes, on a une forte composante des gènes des agriculteurs venus du Proche-Orient, mais aussi de ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques, composante qui augmente d'ailleurs au bout d'un certain temps, parce que justement il va y avoir assimilation. Vous avez vu ce dernier papier où, en bassin parisien, on a des populations extrêmement sombres durant le néolithique ? Il semble qu'effectivement, de toute façon, l'humanité apparaissant en Afrique, Homo sapiens en Afrique, les premiers étaient sûrement très, très sombres. Et la couleur de peau, elle est adaptée au rayonnement solaire. Et donc, ensuite, effectivement, la sélection naturelle jouant, la peau a tendance à s'éclaircir. On continue à discuter parce qu'on a plusieurs centaines maintenant d'analyses génétiques, mais il en faudrait beaucoup plus. On pense qu'en particulier, la couleur plus claire aurait pu venir du Proche-Orient. Jean-Paul Demoule, l'Anthropocène est le temps géologique caractérisé par l'influence majeure de l'activité humaine. Pensez-vous que cet Anthropocène, donc qui a été théorisé par William Ruddiman, puisse commencer avec le néolithique ? Pour moi, clairement, oui. L'Anthropocène, c'est donc l'idée que une période de la Terre, jusqu'à présent, elles étaient définies d'un point de vue géologique et climatique. Et là, pour la première fois, c'est l'action de l'homme, Anthropos, qui primerait. Alors évidemment, ça fâche beaucoup nos amis géologues et climatologues qui ont essayé une contre-offensive en disant que non, puisque la dernière période jusqu'à présent classique, on l'a à partir du l'actuel interglaciaire, on l'appelait Holocène. Ils ont décidé que non, c'était toujours l'Holocène qu'on allait couper en trois périodes, que j'oublie toujours. Il y a le Greenlandien, le Mégalien, je sais pas quoi. En tout cas, ils n'ont pas vraiment emporté la conviction jusqu'à présent. Mais ensuite, la balle est dans le camp des historiens et archéologues. Il y a ceux qui font commencer l'Holocène avec les explosions atomiques, avec la révolution industrielle, d'autres avec les grandes découvertes, et moi je fais partie de ceux qui font effectivement commencer avec le néolithique, parce que c'est le début des grands déboisements massifs et de l'érosion des sols, et puis le développement de la métallurgie. Donc après on va voir les premières traces de plomb dans les pôles, de cuivre dans les pôles. Simplement, c'est pendant les premiers millénaires, c'était un signal presque inaudible, et après c'est une courbe qui ne va ne faire que s'accélérer. Mais je pense que les deux sont synonymes. Alors je sais que Jean Guilaine, donc du Collège de France, est tout à fait d'accord avec cette idée. L'idée d'associer anthropocène et émergence des sociétés de production est bien sûr extrêmement séduisante. C'est une vraie coupure. Moi, j'y adhère aussi tout à fait, donc sur le plan théorique. Mais la théorie de l'anthropocène précoce ne semble justement pas marcher. Vous le disiez, mais cette période, nombre de courbes montre un très très faible impact avant l'âge du fer et l'Antiquité, où là, d'un seul coup, on a une explosion avec, par exemple, les traces de plomb dans les glaces du Groenland. Oui, donc, mais les déboisements, tout ça, ne représentent rien, pour finir, durant le néolithique. Dans le changement du climat, bien sûr. C'est toujours le problème de où on fait commencer les choses. Simplement, les premiers déboisements vont marquer une rupture. On passe d'un ou deux millions d'humains à la fin du paléolithique, donc juste avant l'invention de l'agriculture. Et ça va monter, et maintenant de manière exponentielle. Ça dépend où on fait passer la coupure, mais en tout cas, c'est indéniable que quelque chose d'irréversible se passe à ce moment-là. Les années 70 avaient été dominées par des théories marxistes autour des sociétés égalitaires. L'heure est aujourd'hui aux théories socio-environnementales, voire écologistes ? C'est assez variable, hein. Dans les années 60-70, effectivement, il y avait les théories plutôt socio-économiques du marxisme, mais aussi environnementales de la New Archaeology, des gens comme Lewis Binford, l'interaction homme-environnement. Et après, dans les pays anglo-saxons, on a eu la période dite post-moderne, un peu relativiste, où on s'occupait beaucoup plus de l'idéologie, de la culture, etc. Et puis maintenant, avec les angoisses écologiques, on est revenu beaucoup plus sur l'environnement. Mais la politique est présente aussi, parce qu'il y a tout ce courant qu'on appelle l'anthropologie anarchiste, justement successeur de Pierre Clastres, qui s'intéresse aux choix politiques que font les sociétés, montrer que toutes les sociétés sont pas forcément inégalitaires, qu'elles le sont plus ou moins, suivant les choix conscients conscient de ces sociétés. Donc je pense que les réflexions sur les politiques des sociétés, qui rejoint justement cette idée que l'anthropocène n'est pas une espèce de fatalité, mais un choix d'un certain nombre de sociétés, et ça reste très présent. Quoi qu'il en soit, peut-on aujourd'hui, dans ces temps de crise climatique, environnementale et épidémique, trouver dans la société néolithique les fondements de nos responsabilités ? Oui, bien sûr, c'est le néolithique qui invente les épidémies, parce que les virus et différentes bactéries existaient toujours, mais c'était des petits groupes de 30 ou 40 personnes, donc même si la moitié mourait, ça s'arrêtait. À partir du moment où on invente le confinement, puisque le néolithique invente les maisons en dur, et le village, d'où on ne va sortir que pour cultiver les champs à la périphérie immédiate, et ça va s'accélérer avec les villes où on n'a même plus besoin de sortir puisque la nourriture arrive directement et on invente l'écriture pour parler à distance. Et donc finalement, le confinement, les réunions Zoom et tout ne sont que dans cette logique. Et bien, effectivement, la même chose pour les épidémies, parce que les zoonoses, hein, puisqu'on va enfermer ensemble des humains et avec des animaux domestiques et aussi les animaux dits commensaux, c'est-à-dire parasites, voilà, les souris, les rats avec leurs puces, maintenant de plus en plus les pigeons qui sont des rats volants. N'hésitons pas à le dire, le néolithique c'est le travailler plus pour gagner plus. Oui, bien sûr, parce que à partir du moment où vous avez cette augmentation incontrôlée de la population et la planète, elle est finie, il faut sans arrêt inventer. C'est une course au progrès technique folle où on va effectivement inventer la charrue, les engrais, la roue, la traction animale, et ça finit avec la motorisation, les engrais, les pesticides, etc. Et puis c'est aussi la naissance des violences de masse, quand même. Je devais vous faire passer un très beau reportage sur un massacre donc en Alsace, mais on en a de plus en plus la preuve. Oui, bien sûr, parce que les communautés sont définitivement territorialisées, elles sont plus nomades et elles sont en augmentation constante. Donc on le voit très bien archéologiquement, les villages se fortifient, les blessures se multiplient, on invente des armes, etc. De même que ça, c'est les violences entre communautés et intracommunautaires. Les sociétés sont de plus en plus hiérarchisées et inégalitaires. Jusqu'à Karnak, par exemple, où on a des systèmes absolument invraisemblable autour du cinquième millénaire. Oui, on va construire ces tumulus gigantesques, on fait venir des haches en jadéite des Alpes à près de 1000 km de là. Oui, absolument. Mais en même temps, ça dure 4 ou 5 siècles et après, ça s'écroule. Ce qu'on va trouver ensuite, c'est ce qu'on appelle les vallées couvertes, c'est-à-dire au contraire des monuments avec des centaines de corps. Et ces effondrements réguliers montrent qu'il y a toujours eu des réactions contre des pouvoirs excessifs. Jean-Paul de Moule, pour conclure, la période néolithique s'avère tout à la fois charnière de notre histoire, un non-retour, comme le moment de tous les possibles. C'est sûrement un non-retour. On ne peut pas retourner au mode de vie paléolithique. Mais en revanche, on a de larges choix ouverts devant nous. On peut continuer à aller à la catastrophe écologique. La Terre continuera à tourner de toute façon. Et je pense aussi que Sapiens est éminemment adaptable. Mais néanmoins, ça peut se faire dans des crises violentes avec des millions de morts. Jean-Paul de Moule, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Élise Le, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à l'archéologie du débarquement, mais aussi aux journées européennes de l'archéologie qui débuteront le week-end prochain.